بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 20e leçon. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa mittaba'ahum bi ihsan illa yawmiddin amma ba'd. نبدأ بالأسئلة. قال لما سافر أحمد إلى مكة؟ سافر إلى مكة لعيادة أخيه المريض. من أين مجاهد؟ متى هاجر أبوه من الهند؟ هو أصلا من الهند، هاجر أبوه وهو شاب. لماذا كان عبد الله نعسان؟ كان نسعان لأنه زار البارحة جارا له. نسعان نعسان. نسعان نعسان. عين قبل السين. رابعا، ما التجارة التي دلتنا ودلنا عليها الله تعالى في سورة الصف؟ هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. تمام. ثم هذا فقط. استخرج من الدرس الأطفال الواردة فيه من باب فاعل. سافر. نعم. عفا الله. نعم. هاجر. سافرت. نعم. قابلت. يراسلهم. حاول. قبل في واحد لا أفضل. تساعدني. سأساعدك. سامحني أو سامحني. سامحني. سامحني. مراجع. تجاهدون. نقاتل. قبل. تجاهدون. تؤمنون. لا ولا وزن فعل هذا. آمنوا وتؤمنون هذا من باب أفعل اسم باب فاعل. أدلكم. لا دل. تجاهدون كما قلت أنا. تجاهدون. تقاتلون. تجاهدون. تقاتلون. هنا تقاتلون. فوق في الصفحة 165 في الآية فوق. يقاتل. نعم. يقاتلون. تؤاخذني. أشاهد. ينادي. أنادي. أنادي. ناديتني. أناديتني. نعم. وفي تمارين. سبع عشر. نعم. تجمع يعني جمع الأسماء الآتية في. لا. تجد في من هذا يعني الأخير وقبل الأخير. قبل الأخير والأخير. الحمد لله. هدية. هدية. هدايا جم نعم ماتية مطايا أيوة مزية مزايا سرية سرايا شتية شضايا شضايا برية برايا زوية زوية زوايا زوايا طيب أو هذا من أي فعل؟ من الفعل وهنا يهنو والمصدر وهن وجدت شيئين وجدت آية وسينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين طيب يوجد أيضا في سورة مريم وقد وهن العظم مني وهن العظم مني يعني ميزو سوا في بلي في سورة مريم وأيضا كذلك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وعلي هين يعني سي كيكو دو والله كيكو دو فاسيل سي با دير على وصف فاعل هين وأيضا سورة عنكبوت إن الأرض بيوت البيت عنكبوت على في على هو بذاته أكيد طبعا وما الوزن الذي أخذنا في الدرس الأخير؟ وزن فاعل ما هو المضارع يفاعل الأمر فاعل والمصدر الإفعال أو ليس إفعال فعال فعال مفاعل مفاعل فالآن أخذنا كم؟ أخذنا ثلاثة الثلاثي مجرد فاعل مع أبواب أخذنا الثلاثي المزيد بحرف أفعل وفاعل وفاعل ثلاث اليوم سيأتي وزن جديد وهو فاعل أو تفاعل وزن تفاعل طيب ندخل في الدرس العشرين عندنا أربعة أشخاص سأكرر المدرس وأنت تكرر الآخرين يقول تأخرت يا أسامة أين كنت؟ Tu as tardé Oussama, où étais-tu? La tu'akhidni ya Oustaz, innama zahabtu ilan ilan mutawaddai liyatawadda faqad hana waqtu s-salah. Il dit, ne me réprimande pas au professeur, j'ai juste rendu au lieu de la salle de wudu, un mutawadda, c'est ism mekan, le wudu. Afin de faire wudu, et le temps de la salat est arrivé. Hana yahinu, c'est un truc, c'est un verbe qui est propre au temps. Hana waqt kada, tu dis pas hana fulan, tu dis hana waqt kada. Dans le passé. Arrivé. Attends. Kanaka tulidu an takulu shay'an ya Moussa. C'est comme si tu me disais quelque chose au Moussa. Ou on nous dirait plutôt, j'ai l'impression que tu disais quelque chose au Moussa. Mais en vrai, c'est comme si là. Non. تلقيت اليوم رسالة من والدي إنه يسلم عليك. Il dit oui, j'ai reçu aujourd'hui une lettre de mon père et te passe le salam. عليك وعلي السلام جزاه الله خيرا. إذا كتبت إليه فبلغه تحياتي. Donc il dit sur toi et sur lui le salam. Quelle est la récompense? Si jamais tu lui écris, alors retransmets-lui mes salutations. Baldiru, ballara, le baldiru, transmettre. Nakra al-an hadithan, yaktubu al-sabura, ikra ya Usama. Nous lisons maintenant un hadith. Il écrit le hadith sur le tableau. Lis au Usama. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Donc il dit selon Othman رضي الله عنه que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit le meilleur entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Rapporté par le Bukhari. Donc c'est cool. من عثمان رضي الله عنه يا علي qui عثمان قال l'agré au Ali. وصاحبي خليل صحابي والصحابي الخليل لا جيم جليل وصاحبي صحابي صحابي الجليل وأحد الخلفاء الراشدين نعم بيدي c'est un grand compagnon Jalil c'est grand beau splendide et il est l'un des quatre califes bien guidés ou l'un des califes bien guidés لماذا لماذا يقال له ذو النورين يا أستاذ؟ Donc il dit pourquoi nous l'appelons, on va dire l'homme aux deux lumières. ذو là c'est celui, mais أسماء الخمسة, mais on va dire l'homme aux deux lumières, au professeur. Il est nommé تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم وأم كلثوم رضي الله عنهما تزوج أولا رقية رضي الله عنها Donc il dit qu'elle s'est mariée avec deux filles parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles sont Ruqayya et Umm Kulthum. Qu'elle a les agréées toutes les deux. Il se maria en premier avec Ruqayya, qu'elle a l'agréée, et après sa mort, il se maria avec l'autre. Quand est-ce que Ruqayya mourut, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Tufiyat wa Rasul alayhi salatu wa salam bi Badr. تخلف عثمان رضي الله عنه عن المعركة بسبب مرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بالمدينة النبوية يمرضها ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنها. Donc il dit elle mourut alors que le prophète, alors que le messager صلى الله عليه وسلم était à Badr. Ce qui fait que Othman dut s'abstenir. Khalafas n'est pas participé à la bataille, Ma'alaka c'est la bataille, à cause de sa maladie, c'est-à-dire la maladie de Ruqayya, sous l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il resta à Médina afin de la soigner. Et lorsque le prophète, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revient de Badr, il le maria avec sa sœur Umm Kulthum. Et aujourd'hui, nous, on va faire croire que Shah Yahya, ben, il a battu Othman. Shah Yahya, c'est un raffidi, quoi, en fait. Et il remuchait les terres pour essayer de faire croire ça. D'ailleurs, Shah, je pense que lui, il a fait une bonne explication du hadith. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidi al-mahdiyin wa rudu alayhi bin nawajiz. Qu'en fait, ce hadith-là, c'est pas que chacun des khulafa qu'il a une sunna à lui qu'il faut suivre. C'est qu'on suit leur sunna qui est conforme à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont connus pour ça. Car il est arrivé à plusieurs reprises que l'un des quatre ait eu une parole qui contredisait la preuve. Est-ce que ça veut dire qu'on va le suivre pour autant parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Non. Le hadith doit être compris dans un sens réel. Qu'on doit les suivre leur sunna tant que celle-ci, soit il y a ijma entre eux là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre sahabi qui a contesté. Que ce soit un des quatre ou autre, c'est comme ça qu'on dit que la parole d'un sahabi, est-ce que c'est un argument ou pas? Si jamais la parole d'un sahabi ne contredit pas un texte religieux, ou qu'un autre sahabi ne l'a pas contesté, ça, on peut le prendre comme un argument. Mais si un seul sahabi conteste le fait de l'autre sahabi, ou que ce sahabi ait une parole qui s'oppose à un fait ou à un dire, ou à un agrément du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur différentes choses, sa parole n'est pas un argument à ce moment-là. Car les sahabas ne sont pas marsoumines, ils ne sont pas infaillibles, ils font des ijtihad et ils sont amenés à se tromper aussi également. Malgré leur grand rang. On ne sait pas tout ce que le sahabi va faire, qu'on doit faire comme lui ou croire que ce qu'il, comme il l'a dit, il a raison. Il s'est déjà arrivé des débats entre les sahabas, celui-là il blâme celui-là, celui-là blâme celui-là, ainsi de suite. C'est déjà arrivé. Avec respect et comportement, ils l'ont fait. Mais on ne doit pas appeler à porte du Sahabi, dit on fait comme lui. C'est un truc important. La parole du Sahabi n'est pas d'argument en soi. La révélation, elle descend sur qui? Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas sur Abu Bakr. Pas sur Omar. Bien que Omar a été appuyé par la révélation. Il y a eu des paroles. Il était moins fort, qui fait qu'après le Coran est venu pour dire que Omar avait raison. Mais sinon, le wahi ne descend pas sur Omar. Et donc, le Coran nous oblige à qui? D'obéir à qui? وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُوْزُهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce qu'il vous a ordonné, prenez-le. Ce que vous avez interdit, délaissez-le. طيب. يَرِدَ الْجَرَسِ. Donc là, cloche retentit. غَدًا نَذْهَبُ نَحْنُ الْمُتَوَفِّيَ مُتَفَوِّقِينَ إِلَى مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تُرِيدُ شَيْئًا مِنْ هُنَاكَ. Donc il dit, demain, nous nous rendrons, nous, c'est les gens de haut rang. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, eux. Peut-être les meilleurs de la classe ou à la Harlem. À Mecca, Inch'Allah. Est-ce que tu veux quelque chose de là-bas? Et là, tu vas savoir pourquoi on dit là, Nahnu, le Mutafawwiqin. Et il n'a pas dit Mutafawwiqun. Pourquoi est-ce que les Mansou, c'est une règle qui revient dans ce dars, Inch'Allah. مدرس يقول تقبل الله عمرتكم أرجو أن تنسوني في دعواتكم في دعواتكم. Donc il dit qu'elle accepte votre umra et j'espère que vous ne m'oublierez pas dans vos invocations. Inch'Allah. Donc il y a un peu Inch'Allah, c'est facile. La question hier posée à Chir, je traduirai parce que c'est important. C'est important. Et même chez les savants, tu l'as trouvé cette compréhension erronée de ce hadith. Qui nous disent que ce que les croyants ils ont fait, on prend direct, en se prenant comme preuve ce hadith. D'ailleurs, si le sahabi n'est pas infaillible, le savant de notre époque a plus forte marge. A plus forte raison, on va dire, il ne sera pas infaillible non plus. يقول أجيب عن أسئلتي الآتية ريبون كيستيون سيفونت لماذا تأخر أسامة بوكو اسكو أسامة أتعبي ثانيا من الذي تلقى رسالة من والده كي سلوي كي رسو لتر دو سون بير ثالثا لماذا تخلف عثمان رضي الله عنه عن معركة بدر بوكو اسكو عثمان نا با بارتيسيبي أ لا باتاي دو بدر. رابعا متى تزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها quand est-ce que عثمان s'est marié avec أم كلثوم. عثمان رضي الله عنه il est également fiché par qui? Par les Khawarij comme Ali رضي الله عنه. Ces gens-là sont vraiment des moufsidoun. طيب يكون ثانيا من ابواب الفعل الثلاثي المزيد باب تفاعل يعني تاء زائد فاعل زيدت فيه التاء قبل الفاء وضعفت العين وفيه حرفان زائدان نحو تعلم تزوج. Par exemple, parmi dans les chapitres du fi'l thulathi, le mazid, dans la catégorie, la mesure, tafa'ala, auquel on a ajouté un ta, et on a mis un idrom, ou un chadda afwan, sur le aïn. En fait, on a dit ta, accroché à fa'ala, ça fait tafa'ala. On a ajouté combien de lettres? Deux. Un ta, et on a doublé le aïn. Mais le aïn, il était déjà doublé. Ah non. Avec la chadda, là. Comme ta'allama qui veut dire apprendre, ta'zawwaja qui veut dire se marier. Ta'allama c'est plutôt s'instruire. Tu vois, s'instruire. Ta'zawwaja c'est se marier. Yaqul istakhrij min ad-dars al-af'al al-walida fihi min bab tafa'ala. Hada al-dars al-ati. Le sortir du cours, tous les verbes qui sont sur la mesure tafa'ala. ثم يقول ثالثا تأمل المثال ثم حات المضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر من الأفعال الآتية. Donc il médite sur les exemples, ensuite donne le présent ainsi que l'impératif et l'isme fa'il et le masdar des verbes suivants. أولا باب المثال تعلم تصري على وزن تفاعل المضارع يتعلم على وزن يتفاعل الأمر تعلم على وزن تفاعل اسم فاعل متعلم. Attention là, le mudari il dit quoi? Yata'allam, il dit pas yata'allim. Donc là, le ism fa'il n'est pas sur le wazd du mudari. Le mudari il a une fatra sur l'am. Alors que là, il a une kasra le ism fa'il. Attention. Il mazdar, ta'allum. C'est radi, le ism fa'il il n'y a pas de kasra. Comme les autres, non? Non, les autres, justement, ils viennent sur la mesure du Moudalia. Est-ce que tu mets la mine d'un Mouma? Alors que là, le Moudalia, c'est Yata'allam, c'est pas Yata'allim. Alors que l'isme fa'il, c'est Mouta'allim, avec une kasra. Donc attention au piège. Par contre, là, c'est plutôt quoi? Isme Ken, Isme Zemen, ou enfin, Isme Afol. Ouais, non. Mouta'allim. Taïm. Tahaddatha. Yata'addathu. Il est déjà discuté. تحدث متحدث متحدث تحدث نعم تحدث تكلم تعليم يتكلم تكلم متكلم تكليم لا تكلم لا تكلم نعم تذكر سوابلي يتذكر تذكر متذكر تذكر لا تذكر تذكر تأخر تعدي أي محتوى من غفلة يتأخر تأخر متأخر تأخر نعم إسباسيلتو. رابعا يقول تأمل مثال ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية. فالآن سيكون نفس الوزن لكن الآن سيكون بحرف علة طيب لا مو حرف علة مثلا تغدى كيف دير prend le غدا prend le déjeuner تغدى c'est pas pour le dîner ou c'est pour le déjeuner c'est خاص pour le déjeuner المضارع يتغدى الأمر تغدى يعني بحرف علة والمصدر تغدى. Alors, or, c'est taraddi. Donc, comme c'est un isme en cause, quand il est nakira, le ya, on met en quoi? Tanouin. Taraddin. C'est quoi son or sur la base? C'est taraddouyin. C'est-à-dire, c'est taraddouyin. Tarasha. Là, c'est quoi? C'est pour nos achats, pour nous dîner. Tarasha, il y a tarashu. Là. Il y a tarasha. Non. Tarasha. Non. Mazdar. Tarash. أو أتعشي أتعشى في كل مصدر أصله مصدر تعش أولا مصدر التعش بدون أيوة تعشي والأصل أتعشى أتعش شو بنصرف تعشوي تعشوي نعم تلقى كيف بدي أوصل بها تلقى تلقى مصدر تلقي نعم أتلقي والأصل تلقون تلقوي تلقوي أيوة تلقوي تمنى كي بدي أسبر إن شوز رياليزاب يتمنى تمنى تمنى تمني أتمني تمني تمني نعم تأنى تأنى كي بدي أقول يعني prend son temps en faisant une chose pas précipité تأنى يتأنى تأنى Pas de difficulté en celui-là. Il a attention sur le masdar quand il est naqis. C'est une aïa comme la main. L'année à la waz, tafa'il. À la base, tafa'ul, il va venir à tafa'il. Il y a que le khamisan, tuhufiya, ala, bilbidal il majoul. Mata, ou est-ce ma foule bi, ou est-ce ma foule binou, mutawafin. متوفى من المتوفي والله متوفى يا بصوك يا بنتك أسرات في الشدة وفي تلوك في مسيح البطحة دونك توفيا سي لو مغير سيرا دي وز تفاعل سجل يجينا كي وز تفو إلى المبني المجهول و بتو المغير سيرا دي وز تفاعل سي تفو إلى فيب تفوع إلى لو كنت تقول توفي فلان سيجا كوا كيلي مور ففعل تفوع إلى نعم تفوع إلى et les autres par exemple فعل son mot de sira ça va être quoi فعل أفعل ça va être quoi أفعل أفعل فعل فعل فعل le alif du club waw فعل et celui-là تفعل c'est تفعل يقول تعمل أمثلة لباب تفعل وعيد فيها الماضي والمضاري والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان donc là tu vois dans les phrases qui vont suivre trouver tout ce qui est du bab tafa'ala, que ce soit le mardi ou le mudali ou le amr, le mazdar ou le fa'il ou le maf'oul ou le makan. Ana mutazawwij. Je suis marié. Ismu fa'il. Mutazawwij. Mutazawwij. Ana mutazawwij, ismu fa'il. Je suis marié. Thaniyan. Uridu an atahaddatha ilayka fi mawdi'in. في مواضيع في موعود موضوع في موضوع مهم je voudrais parler avec toi sur un sujet important أتحدث في مضارع نعم أتكلم ثلاث لغات je parle trois langues في المضارع نعم لم أتلقى رسالة من أهلي منذ شهر أو أكثر je n'ai pas reçu de lettres de ma famille depuis un mois ou plus. Salama, c'est plutôt aller rechercher et la réceptionner. Mouradif, c'est un synonyme. Firmoudalia. Fita'anis. Fita'anis salama. Fita'anis salama. Fil'ajalat nadama. C'est-à-dire dans. Le fait d'être de pas se précipiter, prendre ses précautions comme tu dis là, il y a la sérénité, dans la précipitation il y a le regret. Fitani masdar. Non, mais cette phrase-là n'est pas laissée fait à l'éclat. Il y a des choses qu'il faut se précipiter à faire. Comme le munkar. Inkar munkar, l'iman il a un qadr, etc. Il donne un tauba, il donne, tu te possibles de faire tauba, ou Adal Wajibat Shivoktiha, ils aiment faire dévoquer le salaire. Il y en a Awal, quelqu'un qui a parlé de Hadith Ibn Mas'ud, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Afdal al-Amal, la salade fi Awal Waktiha. La meilleure des œuvres, c'est la salade en son premier temps. Donc là, tu te précipites. Mais ça va être là. Voilà, c'est pour ça que vous savez que vous précipitez-vous ou bonne chose. Donc ça veut dire là, cette phrase-là n'est pas catégorique. Il y a des choses qu'il faut se précipiter à les faire. الآن تذكرت اسم تذكرت في المضارع. Et dis maintenant je me rappelle de son nom. Non. Là. في ماذا؟ تذكرت في ماذا؟ ماضي. Non. Tu as dit quoi là؟ ماضي. Dis ماضي. J'ai pas fait المضارع. تذكرت. Non, mais en fait, c'est الآن. Maintenant, je me suis rappelé son prénom. Ça, c'est la raison. Hades. Hawala. Hawala l'yussa l'issu dukhul l'bayt bitasalluq al-jidar. Le cambrioleur a tenté de rentrer dans la maison en, en grimpant au mur. Tasalluq, c'est un mazdar. Non. Ta'alaw nataghadda. Venez, prenons le déjeuner. Non, l'imaza m'a fait affaire là. La coupe de Tarada. Elle n'a pas fait là. L'imaza. Elle n'a pas fait là. Elle n'a pas fait là. Elle n'a pas fait là. Elle n'a pas fait là. Elle n'a pas fait là. Elle Je dis, je prends le dîner peu de temps après la salat du maghrib. Bouaïd, c'est t'inscrire de bar. Non. C'est-à-dire peu de temps après. Un shahid. Ta'asha. Non. Un ta'asha, afwan, fi'l mudhari. Non. Nahnu warasahu mutawaffa. Nahnu warasatu mutawaffa. Warasatu. Warasatu. Nous sommes les héritiers du défunt. المتوفى اسم مفعول نعم هادي عشر المتودي المتودي انت متودي ايوه اسكو توي ان فاس اسكو توي لودو اه متودي اسم فاعل نعم اسم فاعل هذه حديقه هذه الحديقه حديقه هذه الحديقه دفنرار. متنفس اهل المدينه متنفس متنفس في اسم مفعول je pense que c'est plutôt اسم مكان تنفس تنفس qui veut dire respirer, c'est à dire qu'en fait ce jardin est le lieu d'aération des gens de la Médine, le lieu où ils respirent. Je pense que c'est plutôt اسم مكان. Ça est Sacha. أخرج أخرج خريج أخرج الجامعة الإسلامية أنت نعم نخرجت تخرجت تخرجت في كلية اللغة العربية عام 300,000 هجري لا 400,000 هجري il dit est-ce que tu es un quelqu'un qui est sorti en fait de la jamia islamia dit non je suis sorti de la faculté de langue arabe en l'an 1400 de l'Égypte. Kharij, Kharij. C'est quelqu'un qui est sorti de la Jamia qui est étudié là et qui est sorti genre ou diplômé ou. Non. C'est pas juste sorti comme ça, c'est l'étudiant, l'étudié de ceux qui ont sorti. Kharij, c'est Ismou Fahim. Là, c'est pas sur le chef. تخرجت تخرجت تخرجت في الماضي نعم كثير شيء الرابع عشر قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت et remet ta confiance sur le vivant celui qui ne meurt jamais توكل في الأمر نعم donc tu vois توكل c'est quoi c'est le fait توكل et توكلوا توكل et le مصدر توكل خامس عشر وقال فتلقى آدم من ربي كلمات آدم وصلت son seigneur des paroles فتلقى تلقى في الماضي نعم وفي هذا الباب يقول يجوز حذف إحدى تاءين من تفاعل كما في المثال مثالين آتيين. Donc pour le tarfif, tu peux enlever l'un des deux termes. مثلا تنزل الملائكة وروح. أصله تتنزل. أي تتنزل. كذلك ولا تجسس. الأصل تتجسس. C'est quoi, c'est pour tarfif? C'est plus facile à prononcer. Tu peux dire les deux. Tatajassasu et tajassasu. Si tu vois un verbe conjugué comme ça, tu vois ta tête, tu dis attends, c'est quoi ce poste-là? Jassasu. Je ne connais pas jassasu. Tu cherches comme ça, après tu dis en fait c'est tajassasu. Il y a un tête qui est enlevé. Très bien, cool. Ta'ammel al-mithal thumakmil al-naqis. Donc médite sur l'exemple, ensuite comble le vide. Ah ouais, là, Yakul. Si tu vois la différence qui est entre tafa'ala et fa'ala. Yakul, zawwajani abi bint ammi. Mon père m'a marié à la fille de mon oncle paternel. Yakul, anta, tazawwajtu bint ammi. Je me suis marié avec la fille de mon oncle paternel. Yakul, allamani zamili luratel la yabaniya. Mon camarade m'a enseigné la langue japonaise. Qu'est-ce que tu as? تعلمت اللغة اليابانية. نعم. Donc là, tu vois la différence entre فعل et تفعل. تاسعا يقول لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه اختها كلثوم. Comme tu l'as dans le texte. Donc après que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم soit revenu de Badr, il l'a marié, c'est-à-dire Othman, à sa sœur, c'est-à-dire la sœur de Rukaya, كلثوم. هذه لما la sœur de qui? Ah ouais, la sœur de non la sœur de Rukaya. هذه لما الحينية يعني لما pour un moment وهي ظرف زمان كما كنت تكلمنا حولها. J'ai parlé souvent quand je reprenais Abou Bakr, on disait Lama yakun kaza wa kaza wa kaza. Voilà, Lama, celle-là, Lama. Yalaytahu hadara ad-dars. Wa qaddara ma sha'a fa'al. Yakul, takhtassu bil madi wa yakunu jawabuha fi'lan madiyan. Donc elle est spécifique au passé. C'est-à-dire, Lama là, tu recouvres, c'est un verbe au passé. Et elle a une réponse. Comme iha, comme law, comme in. Tu as une phrase? Et t'as une conséquence de phrase. Seulement la différence, c'est que son jawab, la aboud n'yakun fi'lan ma'adiyan. C'est pas comme les autres, tu peux avoir le choix. Celui-là, le jawab de l'amma, la aboud n'yakun fi'lan ma'adiyan. Mathala n'yakun, l'amma samiatu al-adhan, tawadatu wa tawajahtu il masjid. Après que j'ai entendu l'adhan, j'ai fait l'odo et je me suis dirigé au masjid. فهنا كيف تقول لما هي لما حينائية مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان سمعت أنا في الماضي مبنية على السكون اتصال ب تاء الفاعل لا محل له من الإعراب وتو أنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والأذان أداء مفعول به منصوب بالفعل ولم تنص به الفتحة الظاهرة وتوضأت على جواب لما فهمت؟ وهكذا la première partie c'est لما سميت الأذان première partie توضأت deuxième partie de la phrase. ثانيا لما وصلنا إلى مكة أسرعنا إلى بيت الله الحرام. Donc après que nous soyons arrivés à Mecca, nous nous sommes empressés d'aller à la maison d'Allah, à la maison sacrée d'Allah. Na shahid, lamma wasalna, après que nous soyons arrivés, si tu t'arrêtes là, la journée n'est pas mufida. Hein. Ça donne une conséquence. Asla'na. On fait un zil, fi qissat Ibrahim alayhi salam. فَلَمَّا رَوْكَ مَرَا بَازِرًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Donc après qu'il ait vu la lune apparente s'élever, il a dit « Cela est mon Seigneur. » Et attention, là il y a un ta'ouil dans ce verset-là, obligé de faire, parce que Ibrahim, alayhi salam, c'était un nabi, il n'a pas pu avoir pris la lune pour son Seigneur. Donc les ulama, ils ont mis, dans le tafsir, on a pris plusieurs interprétations par rapport à ça. Il y en a qui disaient en fait, il y a un tabdil istifhami, a'adha rabbi, est-ce que c'est ça mon Seigneur? Parce que la lune, c'est une créature. Pareil, quand il a vu le shams, vraiment le shams, quand il y a a'adha akbar, a'adha rabbi, quand il y a le soleil, il dit le soleil est plus grand, est-ce que le soleil est mon Seigneur? Mais en fait, non. Parce qu'on pourrait croire qu'il pense que le soleil est son Seigneur, ou que la lune est son Seigneur. Et les ulama, ils ont dit non, en fait, il y a un tabdil istifham, a'adha rabbi. Et il y a d'autres trucs qui ont été exposés afin de pouvoir éclaircir ce point. Yakoul, maintenant tu vas voir le truc qu'on avait dit là. Qala ashiran, ghadan nadhhabu nahnu mutafawwiqin. Huna mutafawwiqin mansub ala ikhtisas. En fait, c'est maful bi d'un fait ma'douf. Tu spécifies une chose. ومفعول لفير أخصت أو أعني. En fait, comme je disais, نحن أعني المتفوقين أو أخصت. Je spécifie juste المتفوقين. C'est مفعول به d'un فعل معذوف. Un فعل معذوف c'est أخصت. أخصت. Des fois, ça peut être أعني. Et donc, ça dépend. وهذا الفعل واجب الحذف. C'est obligé de l'enlever. ويقول ويأتي المخصوص لبيان المقصود بالضمير. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé de faire procéder le مخصوص par un ضمير. Tu viens pas avec un مخصوص comme ça. مثلا يقول نحن ضمير tu l'as. المسلمين يعني نحن أعني المسلمين وخص المسلمين لا نخاف إلى الله. عليكم لا نخاف إلى الله. فهذا المسلمين منصوب. Vous voyez, Mansoub, Mahfoud Bim, il fait le Mahfouf. T'as quoi le Mansoub à l'Ikhtisas? Mansoub à l'Ikhtisas. La Nahof ou Ilallah. Je ne crois pas que ce soit propre à Nahnou. Je crois que tu peux dire aussi par Antoum. Hein? Tous les domaines. Ça t'a quoi? Là, pas tous. Anta n'a pas besoin. C'est pour un djem. Anta, c'est Anta. Pas besoin de faire intercession Anta. Anta, t'es déjà khas. Contre toi. Non, j'ai pas besoin de te spécifier. Parce qu'il y a que toi. Mais quand c'est Nahnou, Nahnou man. Nahnou c'est Ad, tu vois. Alors que toi, c'est, on sait qui tu es. Par exemple, tu dis Antoum, El Hizbiyin, nous faisons l'écoute de Da'wah. Vous, je veux dire El Hizbi, quand je dis vous, ça peut être plein de gens. Qui nous? Tu vois, dans ce moment-là, t'as des gens, c'est le salafi, quoi. Et moi, tu parles à l'auditoire, ils sont généraux. Comme là. Tu dis Antoum. Adi SBI, tu fais l'écoute de Dawa. Vous les SBI, vous utilisez la Dawa. Comme ça, quand tu as fait tout le Tarsis, tu as senti tous ceux qui ne se rendent pas de temps. Yakul Nahdu, Tuleb El Ma'ad, Naskunu Fil Marja Al Awal. Il dit nous, les étudiants, c'est-à-dire les étudiants de l'institut, nous habitons dans le premier dortoir. Quand il dit Nahdu, ça peut être plein de choses. Manantum. Au fil Hadith et Sharif, Inna marshal al-anbiya la nourath. Dit nous, il a dit le groupe des prophètes, personne n'hérite de nous. Hein? Il n'hérite pas de nous. Donc la marcha, c'est un truc qui spécifique à un groupe. Donc il va dire Ibn al-Fara fi mayati bi marsous munasib. Personne n'hérite de l'NBA. L'NBA est mal yuraf. L'NBA est mal yuraf. C'est-à-dire personne n'hérite de lui. C'est-à-dire même s'il a des biens, qu'il meurt. Allez, ouais, on n'hérite pas de lui. Où ils vont les biens? C'est au musqué? Si par exemple il a des biens. Mais... Les biens, je pense que qu'est-ce qu'on en fait? Il ne va pas à sa famille en fait. Là. Justement, à cause de ça, il y a eu un nizar entre Fatima et Abou Bakr. Quand il était venu pour réclamer son droit de. Ce que pensait être le droit de l'héritage du Nabi Salam, il a dit Abou Bakr ne lui a pas donné. Tu vois? Et après, il a cité le hadith. Souvent, il a dit Inersha, l'eau, a une fille de Ma'ana, l'auteur a touché un, min Makana al Nabi Salam, un, Azir. Il dit je crains que si jamais j'ai fait une chose s'opposant à l'ordre du prophète, que je me dédie. Et Cheikh, il a cité encore hier ça. Tu vois, c'est parmi les preuves, justement, que Abou Bakr c'était un khalif. Et pourtant, il a dit quoi? Que si jamais je délaisse une chose, c'est-à-dire, c'est pas lui qui s'en souvient à lui, une chose que lui veut faire. Il fait une chose qui est conforme à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ou lui a ordonné. C'est parmi les preuves qui prouvent justement, le Khulafa Rashidun, et le Ba'oun Amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas qu'une chose de eux qui a pris cette chose-là de lui de Sunna. Non, c'est ce qu'eux ils font qui est conforme à la Sunna. Ou alors autre chose qui est permise, parce que des fois tu peux faire une chose que le prophète l'a pas fait, une chose permise, mais tu ne sais pas laquelle d'oration décrétée. Hein? Il y a des choses, par exemple, dans la maslaha, comme aujourd'hui on va dire, j'en sais rien, ce que les takfiris servent pour faire des exagérations. Si jamais tu suis les, comment ça s'appelle, les pannes de signalisation dans les rues, tu vois? Voilà, parce que le koufar. Non, c'est un truc qui est dit par la maslaha générale, pour pas qu'il y ait d'accident, pas qu'il y ait de mort. Il y a un côté ibada, pourquoi? Voilà, t'as tout le fou, ça vaut, ne vous tuez pas vous-même. Mais ces panneaux-là, c'est sûr, c'est pas un courant de fumée, ils sont venus. Mais c'est un truc qui est permis pour faire quoi? Pour que ouais, ouais. C'est comme demain, tu dis, ouais, je mets une Europe par mon escalier, pour pas que je tombe. J'ai mis le koufar, en faisant ça. C'est une chose, c'est pour la sécurité. Tu vois? La ceinture de sécurité dans la voiture, plein de choses, comme ça. Et eux disent, ouais, quand tu fais ça, tu te tires le koufar, tu prends leur loi, t'as coupé les mains de Allah. Mm. Tu te dis, mais arrête, si je fais pas ça, parce que demain, je prends, moi j'arrive en voiture, dans ma voiture, on va suivre tous les deux. Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Ouais, c'est du relou, tu vois. Donc il y a des choses permises, qu'il y a une maslaha derrière, elles peuvent être faites. Mais si c'est une chose qu'il y a une révélation, c'est un acte d'adoration qui a déjà été décrété, tu peux pas venir et le mettre à un autre moment que le moment qu'il lui a attribué, et le faire d'une autre façon que la façon qu'elle a été définie. Tu peux pas. Tu veux pas. Sans quoi? Tu te prends la bida en faisant ça. Donc il dit qu'on boucle les trous en mettant un marsous. Elle dit un morceau de la tarsis. Donc il dit nous, les étudiants, nous étudions matin et soir. Non, nous les musulmans, les musulmans, nous ne n'associons rien à Allah. Khalid Abid Shafawi, tu as compris. Yakul Had, Moudali Al-Afal Atiya, donne le présent des verbes suivants. Ballagha, Tawadjaha, Tajassasa, qui veut dire espionner. De là on prend le Jassous, l'espion. Asra'a, Yusra'u. Non, c'est précipité. Allez vite, accélérer aussi. Bazara. Bazara, Yabrizo, Yabrozo. Qui veut dire voir apparaître. Taïb. Hak Mufrad, Khulafa. Khulafa, Khalif. Non, Warafa. C'est comme Taraba, Kafara, Fasaka. Walif, c'est l'héritier. Ma'ashir, Ma'ashir, celui qui est situé au-dessus. Il devient un groupe. Hat, Jam, Risala. Rasail, Hadiqa, jardin. Hadaiq, Ahl. Ahl. C'est quoi son Jam? Ahl. Le sens. C'est quoi son Jam? C'est Jam. En fait, c'est un moulhaq ou Jam de Kersalim. Tu dis Ahloud. Ahloud. Ah, Moulha, c'est pas un Wadi Moudakir Salim. Il prend la même forme. Wafadun. Wafadun. Wafayad. Je veux dire la mort. Al Wafa, la mort. Wafayad, c'est Moufrad. La jam. La jam de Wafa. Dans un verset, ça dit « Kou anfusakum »« Kou anfusakum »« Ahlikum nara » »« Ahlikum, il devrait être mentionné. »« Ah ?»« Ahlikum, il devrait être mentionné. »« Ah, il va dire. »« Kou anfusakum »« Ahlikum »« Kou ahlikum »« Le lien ?»« Le lien de... »« Dis-nous. »« Ah, non, Mounas... »« Mansouk, Arabes Mousbi, Alien, Ibatan, Arifafan, Yannou, Moulhak, Jaouz, Kassari. » »« C'est quoi le Mounas de Mousseline ?»« Mousseline. » Enfin, le mansoub de Ahloud, Ahlin. Il a une loune dans le bourg, les dents, hein, avec le kef. Ouais. Ouais. Mara Zahara, non. قول اليوم أخذ وزن تفاعل على أخذ مضارع وأمر واسم فاعله واسم مفعوله واسم مكان والزمان نفسه وأخذ الاختصاص أيضا النصب الاختصاص نحن المسلمين نعم كذا وكذا وكذا وأخذ كذلك لما الحنائية التي هي ظرف زمان خاصة بالفعل الماضي ولها جواب وجوابها كذلك لابد ان يكون بفعل ماضي وهكذا في سؤال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك